بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب في درس الماضي أخذنا ما يتعلق بحقوق الصحابة les droits qu'ils ont sur nous, l'amour qu'on doit leur porter et l'alliance qu'on doit avoir vers eux. ولا يذكرون إلا بالجميل. On ne doit pas citer ce qui s'est passé entre eux comme divergence, comme litige. On a parlé également des Ummahat, Ummahat al-Mu'minin, les mères des croyantes, qui étaient les femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة السابع عشرين 27 point. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين بريهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته الخروج عليه وشق عصا المسلمين. Donc il dit de la sunna également fait partie d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman, qu'il soit parmi les gens pieux ou autre que cela, tant qu'ils sont des musulmans, tant qu'ils n'ordonnent pas à une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là aucune obéissance. Et celui qui a pris le pouvoir, d'accord, celui qui a pris le pouvoir, que les gens se sont rassemblés autour de lui et on l'a agréé comme gouverneur, ou qui a pris le pouvoir comment, par la force, et qui par la suite a été appelé chef des croyants, son obéissance est obligatoire et on ne doit pas s'opposer à son ordre tant que c'est dans le ma'alouf, ni la sortie contre lui et ni de diviser les rangs des muslimines pour lui. Donc là, il fait allusion, il avait parlé dans la dernière fois, dans le dernier ders, mais il n'avait pas évoqué le... Je sais pas s'il n'y a pas eu un taqdim dans le kitab, car là, dans le char, ils vont parler de ce qu'on a pris hier, qui n'a pas été évoqué, par rapport au hajj, à la salat. Donc le khilafa, c'est un fort kifay. Il est obligatoire pour le musulman qu'ils aient un chef. Et ce khilafa s'obtient de trois façons. Khilafa, aujourd'hui, bon maintenant, tu sais que les nouveaux termes ou quoi, il n'y a pas de calife à notre époque, à ce que je sache, Allah alam, c'est ou roi ou des présidents. Je crois qu'il y a un sultan aussi, j'ai oublié où. Oman, naam. Akada. Donc là, trois façons d'obtenir le pouvoir, soit par succession. Que le khalifa qui était avant toi décrète que tu seras le prochain. Comme l'a fait Messalen Abou Bakr Siddiq avec Omar. Deuxième, que les gens du Hil et du Aqd se concertent entre eux et désignent le gouverneur. Et cela, peu importe qu'ils soient des gens désignés par les gouverneurs auparavant ou des gens reconnus pour cela. Donc là, ça ibtal maza à la démocratie. Ça annule la démocratie. Car la démocratie, tout le monde a son mot à dire. Malheureusement. Le fajir comme le salih, l'homme comme la femme. Le alim comme le jahil. Donc en islam, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La shura al-islamiya, elle a lieu, consultation islamique, elle a lieu avec les gens d'expérience, de sagesse et de science, ou dans les domaines précis. Même pour les sahaba, il n'y a pas eu de démocratie. Comment on va l'appliquer pour autre que eux par la suite? Yani pour Othman, il y a eu Shura, Ali Kazali, il n'y a pas eu de démocratie. C'est pas tous les musulmans qui sont arrivés, ils ont voté. Ils auraient pu le faire s'ils voulaient. Ils n'ont pas fait. Il y a eu Shura des gens bien désignés en particulier. Et troisième façon, qu'ils prennent le pouvoir par la force. Par exemple, il y a une guerre, il vient et il s'empare du territoire. Il fait tomber l'ancien gouverneur, il prend sa place. À ce moment-là, il devient le gouverneur des musulmans. حكم التوعة لخليفة لجمان دسون بيسانس سن شوز كي واجبة تانك سي با دسون بيسانس المعصية il nous est obligatoire de l'obéir et de l'écouter. D'accord ? كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا واتيعوا الله واتيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Et vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager et aux détenteurs du pouvoir. Et l'obéissance, comme le montre ce verset, elle n'est pas dans l'absolu. Car elle est selon le suivi de l'obéissance à Allah et à son messager. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم وطاعة على المسلم فيما أحب وكريه ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه qu'il a dit l'obéissance est obligatoire l'écoute et l'obéissance est obligatoire pour le muslim lorsqu'il aime ce qu'il déteste tant qu'on ne lui donne pas de faire une marsia si on lui donne de faire une marsia à ce moment-là il n'y a plus d'obéissance وكذلك qui qu'il soit comme a dit le hadith السمع والطاعة وإن تؤمر عليكم عبدا حبشيا même si prendre le pouvoir sur vous un esclave حبشي même si ce n'est pas un Quraishi ce n'est pas un arabe ou quoi quelqu'un de rang social qui est assez bas il prend le pouvoir il devient le chef des musulmans donc on doit lui obéir Et كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ستلقون من بعدي أثرة تنكرونها فقالوا فماذا نفعل رسول الله قال تؤدونهم حقهم وتسألون الله الذي هو لكم Il a dit vous allez voir des choses après moi qui vont vous déplaire par rapport au gouverneur Ils l'ont dit qu'est-ce qu'on fait alors dans le sens où est-ce qu'on sort sur eux Il a dit non vous leur rendez leurs droits et vous demandez à Allah votre droit à vous ça veut dire pas de révolte Et قال كذلك في حديث أخرى فاصبروا حتى تلقوني على الحوض patientez c'est-à-dire ce que vous allez voir comme mal jusqu'à ce que vous me rencontriez dans mon bassin hadith يعني متفقون عليها donc tous ces hadiths t'exhortent à quoi à ne pas sortir contre lui d'accord et à patienter tu verras des choses qui vont pas te plaire bilashak les gouverneurs akhi fihim ma fihim surtout à cette époque la plupart du temps leur entourage c'est un mauvais entourage Et comme à Kalesh al-Mokbil, aujourd'hui, les gouverneurs, ils ne sont pas pour le secours de la religion. Leur priorité, ce n'est pas ça. C'est leur pays et c'est d'autres choses, malheureusement. Sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a vu que fil mamlaka. Bien que des gens s'acharnent à les dénigrer et à les insulter, d'accord, ils ne sont pas infaillibles, des erreurs sont commises, bilachek. Mais ce n'est pas la façon dont les gens s'y prennent qu'ils réussiront à réformer la situation. Et arranger l'erreur. C'est sûrement pas comme ça. Qal, donc qu'il s'agisse d'un imam pieux ou pas. D'accord ? Qal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non, donc le hajj et le djihad perdurent, d'accord, continuent avec le chef des musulmans. Et la salat de Jumu'a derrière eux est permise. Kazalik. Qu'ils soient des pervers ou qu'ils soient des gens pieux. Un hamshay que c'est un émir qui a pris le pouvoir et que c'est un musulman. Et on ne doit pas leur désobéir en cela. Car cela amènera à quoi ? À diviser les rangs des musulmans et à faire des fitan. Et à la rébellion également. Thumma qal, Al-Shaykh Al-Faymin, Al-Khuruj ala imam Muharram. La sortie contre le gouverneur est interdite. On n'a pas le droit de se rebeller contre lui. Tamam? Et voilà, t'akalem an imam al-muslimin, yani alladhi wa muslim. Hadha liqul Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-sam wa ta'ati fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asratin alayna wa alla nunazi' الامر اهله الى ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان donc il a dit quoi Ubadah an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit obéir écouter que soit dans ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas quand Dieu n'aime pas c'est pas une chose qui est interdite non plus une chose qui nous déplaît mais elle n'est pas interdite forcément dans la difficulté ou dans l'aisance d'accord et que l'on ne doit pas disputer le pouvoir à celui qui le détient sauf si on voit de lui une mécréance claire dont on a une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, kufr, ulima min darura. Une chose claire, pas comme certains, ils ont des ambiguïtés ou des choses confuses ou quoi. Un kufr, wadih. Donc là, c'est si jamais ce gouverneur deviendrait kafir, même le khuruj alayhi fi shurut, comme à Zakarna, quand même, que cela déjà en premier lieu, qu'il y ait un badil, quelqu'un qui va le remplacer, qui soit déjà prêt. D'accord ? On a déjà quelqu'un en place, comme Khalif, yani Muslim, qui sera là pour le remplacer. Chez Akhar, la Koudra, la capacité. Chose qui n'est quasiment pas le cas. Car les gouverneurs, ils ont autour d'eux, comme des Sharbani, des puissances militaires, pour se protéger des rébellions contre le peuple. Si jamais les gens vont sortir contre eux, ils se défendraient. Ça mène à quoi ? À une fitna énorme. Tu veux un exemple ? La Syrie, mathalan. Ta main, même. La Syrie. Donc, à Zalik, que cela n'amène pas à faire couler trop de fitna, à faire couler trop de sang entre les musulmans. Ça n'amène pas plutôt à Fouad, je rectifie, ou plutôt je précise, ça n'amène pas à des conflits entre les musulmans. C'est-à-dire, les musulmans, ils sont unanimes. Ils sont unanimes. Enfin, si ça amène des conflits entre les musulmans, on ne le fait pas. Non. Donc ça, c'est une chose actuellement qui n'est pas possible. C'est-à-dire, à la base, c'est une chose qui est permise avec les conditions, mais fil waqi', fahamt, ghayr muhaqqaq, c'est pas réalisable, ça, actuellement. Car les gouverneurs ont déjà anticipé cela, bien évidemment. Ils savent très bien que, dans tous les, même un musulman à la base, même le plus pieux des gouverneurs, il aura toujours des rebelles. Donc il a déjà préparé son terrain de défense. Donc que dire s'il sait qu'il vient d'un endroit et que les peuples se rebellent contre lui, il aura déjà tout préparé pour cela. Al-Asaf. Et il sera prêt à tuer femme, enfant, vieillard pour garder son pouvoir. Et le Khurush al-Hukam, il allait de deux sortes. Soit par les armes, comme les armes, ou par la force, c'est-à-dire comme Mathalen. Mouzahara, la manifestation, c'est une forme de khuruj. Tu sors contre le gars Hakim, t'es pas content. Tu exprimes ton mécontentement. Ça, c'est Mayajouz. Et en plus, c'est Tachapol Bikoufar. Ou la rébellion par les armes, c'est-à-dire un soulèvement, une révolte armée. Et également, Bilkalem. Bilkalem. C'est-à-dire que toi, tu soulèves les gens contre lui. Tu parles sur lui, tu l'insultes, tu le dénigres sur le minbar, ou dans les kalem, dans les audios, ou quoi, et tu le critiques injustement, de façon illégitime. Et tu mets la haine dans le cœur des gens contre cet homme-là. Ça va mener à quoi ? Un khuruj. Comme beaucoup aujourd'hui font sur les réseaux sociaux, Ghayr Dhalika, c'est l'un des fléaux les plus fréquents actuellement, c'est parler sur le hukam. Les gens, ils passent leur temps à ça, parler sur le hukam. À l'Asaf. D'accord ? Maintenant, Hadha ma yamna in kalam munkar. Si le hakim, il fait une erreur, il y a des gens qui le conseillent. Et des adjilets sont venus qui montrent que cela se fait comment ? En privé. Et les hadiths venus, ou les athars venus que des sahabas l'ont fait en public, Cheikh Al-Uthaymeen a expliqué que cela, ils l'ont fait pourquoi ? Parce que le hakim était devant eux. C'est-à-dire, il a fait une chose, et devant eux, ils l'ont rectifié ou ils l'ont réprimandé. En sa présence. Pas ils sont partis ailleurs, après ils se sont mis à parler sur lui. Fahimt ? Donc, dans les hadiths ou dans les faits des sahabas, ce qu'on a vu, c'est que le nasiha qu'ils ont fait, comme ce fut le cas de j'ai oublié quel sahabi qui a fait une nasiha à Othman, il le fait en privé. J'ai oublié sur le moment. Al-Muhim, que le fait que tu ne vois pas forcément des ulama qui parlent, ne veut pas dire qu'ils n'ont pas conseillé. Mais eux, ils l'ont fait bilati et arsène, on envoie un courrier, on allant le voir, peut-être pas un coup de téléphone ou quoi. Après, il ne l'a pas accepté, tu as fait ton wajib. Ma'alik. Tu l'as conseillé ? Khas. Et كذلك هذا ما يمنع انكار الخطا. Par exemple, le hakim, il décrète une chose qui est muharrama. Les ulama ou les gens qui ont la kudra ou la possibilité vont conseiller eux comme eux ils le voient. Billati ahsan. Rien n'empêche par contre dans des durus, dans les khutab de faire un blâme sur l'erreur en elle-même, pas sur le hakim. Par exemple, le hakim il dit مثلاً qui rend interdit que la femme se couvre le visage dans le pays. Eh bien, les ulémas, à ce moment-là, ils ont le droit de dire, d'appeler les pères et les fils et les femmes en leur parlant la djilla de wujub sit al-waj. Dans celui qui voit que c'est obligatoire. Ça, ils le font. Fahimt ? À ce moment-là. Là, c'est autre chose. Pour ne pas que les gens tombent dans l'erreur. Adam Mbab Nasiha. Quand le Nabi sallam a dit nous Nasiha, qu'on a l'iman, qu'on a l'illah, ou le kitabihi, ou le rasoulihi, ou l'aïmmat al-muslimin, ou amatihim. Tu fais une Nasiha pour le peuple. Ça, c'est obligatoire. Cet inkar du khata, tu es obligé de le faire. Et chacun en fonction de ses capacités. Comme a déjà fait le hadith, man ramin kun koran fi ghayr biyadi. Ceux qui voient le mal, qui le change par sa main, et s'il ne peut pas, bilisanihi, par sa langue, et s'il ne peut pas, bikolbi, adraful iman. Il ne peut pas par son cœur. Et on avait pris la faïda dans Ahkam al-Qur'an d'Ibn Arabi. Il a dit quoi? Adam in gharib fik al-gharib. Pourquoi? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit de commencer par quoi? Par la main. Alors qu'en réalité, dans le waqi'a, il a commencé par quoi lui? Par la langue. La première réprimande que tu fais, c'est par la langue en réalité. Quand tu vois quelqu'un faire un mal, tu dis ya fulen, ma hamaraka ala dhalik. Et tu donnes le dalil. Tu lui enseignes. Il va arrêter s'il l'accepte. S'il n'accepte pas, maintenant tu as un coudra de l'arrêter par la main, tu l'arrêtes par la main. Et dans en réalité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il s'y est pris. En général, il parle en premier. Pas même, mais on a des situations où tu ne peux pas parler. Par exemple, je sais pas, quelqu'un veut passer dans ta salate. Là, il n'y a pas de parole. Là, si tu mets la main, après il revient, tu repousses violemment. Là, c'est un hal khas. Mais en dehors de cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait une kalamunka, il a toujours commencé par la langue, en général. Avec les muslims ou quoi. Mais c'est le regard, cet homme qui est en train de ruiner. Dans le masjid, l'arabi, les sahaba, ils sont venus pour l'empêcher. Il a dit, une fois qu'il a fini d'uriner, il a appelé un seau, il a versé. Et après, il a parlé. Voilà ce l'orfia, n'hadil umur. Est-ce qu'il est arrivé à l'empêcher d'uriner tout de suite? Non, il a laissé finir, après il lui a parlé. Le arabi, il a compris. Maintenant, quand les gens ne comprennent pas, naam. Et il y a des cas, maintenant, sur le champ, il y a un danger imminent, naam, là, c'est pas la main. Par exemple, un, il va tuer un autre, ma femme est devant toi, tu es en mesure de pouvoir l'empêcher de tirer ou d'user de son arme, tu le fais. Ou des gens, ils se bagarrent, tu les sépares, par exemple. La naam. Mais à la wadi l'umum, souvent, quand tu vois un munkar devant toi, et ça, Adam, il est une kara munkar, la tatibima ou un kara minhu. Tu ne viens pas parce qu'il est encore plus blâmable. Réalise la maslaha, la mafsada. Quand tu fais une kara munkar, ce que tu vas faire, ça va pas porter plus de mal encore. Naam. Donc, il n'est pas permis de sortir sur les hukam. Kazalik, min adila zalika, par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, afala nuqatiluhum, qala la. Ma sallu. La ma sallu. Il a dit, après qu'ils aient cité des choses de mal que les gouverneurs y font, ils ont dit les sahaba, est-ce que nous sortons contre lui? Il a dit non. Tant qu'ils font la salat. Tant qu'ils font la salat. Et ça, c'est parmi les adil, min aku adil ala anna tarq as-salat kufr. Car dans le hadith précédent, il dit, tant que vous ne voyez pas d'eux, un kufr évident. Et dans l'autre hadith, il dit non, tant qu'ils font la salat. C'est-à-dire que si tu te laisses la salat, ça veut dire quoi ça? C'est un kufr. Wadih. Adam in adillah an tark as-salat kufr akbar. Maintenant, est-ce que si délaisse la salat, on sort contre lui? Il y a des chouroutes, on expliquait au début. Pas mal? Tayyib. Ba'da hadha qal. Wa min as-sunnah hajran ahli al-bid'ah. Parmi la sunnah, le fait de faire le hajr aux gens de la bid'ah. Ce qu'ils appellent le boycott. ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعه والادغاء لكلامهم وكل موضه في الدين بدعه. Donc là également on ne doit pas débattre avec eux, on doit délaisser le jidal, les polémiques et les disputes en religion, et délaisser le fait de regarder dans les livres des mubtadi'a et d'écouter leurs paroles, et toute chose nouvelle en religion est une bid'a. Donc, le hajj, les gens de la bid'a, c'est une chose, ou même du fisq, est une chose qui est mujma'u alayha. D'accord? Et min adilat dhalika, qissat Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire le hajj 50 jours. Du fait qu'il n'était pas venu à la bataille de Tabouk. Et ça, c'était pourquoi? En but d'éprouver sa sincérité dans sa tauba. D'accord? Dans sa tauba. Mais sa tauba, elle était sincère. Lui et d'autres. Donc là, ce hajr a plusieurs fawaïd. Parmi elles, tu te préserves du mal de cet homme-là. Car les couloupes sont faibles. Il peut te donner une choubouha. Et dans ton cœur, elle te contamine. Et également, zajranla, en guise de réprimande. Mais ce hajr, il a des awabit. Tu ne le fais pas n'importe quand non plus. Il faut qu'il y ait une faïda derrière. Et les gens de la bid'a, quand même, on les déteste. Et on ne dit pas on les aime pour leur iman. comme on l'a dit. On ne dit pas qu'on les aime pour leur iman. Innama nakrahuhum. Wa al-hajj, c'est le fait qu'on ne leur passe pas le salam et qu'on ne leur parle pas. Et le salam, comme on l'a expliqué, c'est parmi les causes de mahabbat ben al-muslimin. Donc si tu laisses le hajj, tu laisses le salam, tu le fais le hajj, c'est pour en plus ne pas l'aimer. Tamam. Et par contre, à la base, il n'y a pas de polémique avec eux, ni de débat avec eux, hormis dans un cas où tu serais en capacité de démontrer leur égarement aux gens. C'est-à-dire, tu as la koudra, tu as la kouwa, tu es un alim, ou tu es basir dans l'affaire, tu es en mesure de démontrer leur chebouette pour faire quoi? Montrer aux gens leur erreur. À ce moment-là, tu as le droit de le faire, comme l'a fait Ibn Salen, ou pour les faire revenir. Comme l'a fait Ibn Abbas avec les Khawarij, Ibn Salen. D'accord? À ce moment-là, tu as le droit de le faire. Et kadhalik, le fait de regarder dans leur kutub, al-nazar fi kutubihim, c'est permis pour les gens de la basira pour pouvoir faire quoi? Un rôle sur eux. C'est pas mutlaq. Maintenant, les johel, les awam, ou les petits toulab ou kaza, eux, ils font pas. D'accord? Mais celui qui a la kudra de le faire pour faire un rôle à quelqu'un, il faut bien que tu saches qu'il l'a dit. Demain, il y a un égaré qui vient, qui avec des nouvelles chouboites, il égare les gens. Il faut bayen son hal à celui-là. Il le conseiller lui-même. Donc pour cela, il faut que tu fasses un rôle. Donc il faut que tu écoutes ce qu'il a dit. Et après, tu sors, Mufassalan, il est telle chose, wassawab, kaza, wa kaza, wa kaza. Qala hadafi, shalit kaza, dans tel audio, telle chose il a dit, et la réponse est telle et telle chose, avec l'adillah. Faut bien le faire, cela. Donc, comment on le fait si on n'écoute pas ce qu'il va dire? Non. T'as des gens aujourd'hui, ils ont des chouboettes, tu veux leur répondre, ils se comportent avec toi comme si toi t'étais le Arafidi. Il veut pas l'écouter, genre il a peur. Tu dis, bah justement, là maintenant je te donne l'occasion de me dévoiler devant tout le monde. Je te dis ce que j'ai à dire, je réponds à ton truc, bah, toi, amène une nouvelle réponse à ma réponse à moi, si vraiment tu as la vérité. Ils se sauvent en général. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de réponse. Donc là, quelqu'un qui fait comme ça, lui, il n'est pas apte à faire des mises en garde. Parce qu'ils savent se faire des mises en garde, mais ils ne sont pas aptes à les faire. Maintenant, le jidel, fit din, le fait de débattre en religion, même entre gens du haq ou autres, ça a deux situations. Une qui est mazmouma et une qui est mahmouda. La mazmouma, c'est quand c'est quoi? Pour défendre un batil ou pour intisal al-nafs. Tu veux secourir ton avis, ta personne. Et tu parles, tu parles, tu parles. Quelqu'un a un avis sur une position sur une mas'ala, toi t'en as une autre. D'accord? Au début, ça peut être un munakasha al-miya, mafiché. Lakin souvent, le nefs il prend le dessus. Tu vois que la personne elle a raison et tu veux pas qu'il ait raison. Là, tu rentres dans le jidel et mazmoum. Pourquoi? Tu vas commencer à répondre, à sortir des même de la falsafa. C'est quoi ton cause? Avoir le dernier mot. Hada haram. Adam et Ajouz. Quand bien même tu aurais raison dans la mas'ala, c'est quoi ta niya? Avoir le dernier mot et l'emporter sur un tel et le rabaisser et toi élever ta personne. Ça, c'est haram. Mayajouz. Même si tu as raison dans la mas'ala. À ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu as donné un dalil, tu ne veux pas accepter, khalas. Arrête. Par contre, tu as l'autre jidel qui est lequel? El jidel bi'ati yahsan, c'est munakasha ilmiya sahiha. Tu nakash avec un talib sur une mas'ala, mais souvent ça part. Ça se finit mal. Souvent ça finit mal. Ça c'est le haq yuqal, ça finit mal en général. Car Shaitan il rentre et vite, il rentre dans ton être, regarde comment il t'a parlé, regarde comment il t'a ridiculisé, regarde comment il est. Mais, hada un bani ulama, c'est l'un yahsan kathir. Munakasha entre shafoulin, shafoulin sur une mas'ala ilmiya. Un, il expose à Dillah et l'autre aussi. Maintenant, c'est Masael, des fois, il y a un khilaf moussawar qui est permis. Ou des fois, il y a un khilaf tafahum. Ils ont le même dalil, mais ils n'ont pas pris pareil. Après, quand il y a un khilaf, Masalen, tadad, d'opposition, là, c'est autre chose. Là, celui qui fait Jidel, il couvre, il a le droit de blâmer l'autre. Et de le réprimander. Peut-être même par la suite, le baddar, on met en garde contre lui. Naam. Et kazalik, comme akala azawajel. Udru ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana wajadilhum billati ahsan. D'accord, tu invoques à la voix de ton Seigneur avec sagesse et exhortation qui est bonne et débat avec eux de la meilleure façon. Par exemple, un kafir demain, tu parles avec lui, tu vas bien lui parler correctement. À part maintenant si tu as affaire à un mu'anid, un khabith, un shaitan, t'as qui l'a pour faire que du mal, lui c'est autre chose. Mais demain, tu as un kafir, déjà il ne sait pas, tu parles doucement. Tu lui expliques. Un chrétien devant toi, il ne comprend pas. Il dit, c'est qui Mohammed? Tu connais pas? Tu lui expliques. Un juif, il vient, mais souvent les juifs, ils savent, plus que les chrétiens. Il veut parler avec toi de la chose, mais ouvertement. Ou un jahil, un athée, ou un kafir quelconque. Et après, on ne fait pas d'awa, qui veut leur faire d'awa? Donc à ce moment-là, tu fais d'awa, bilati et arsène. Après, tu vois que lui n'accepte pas ou quoi, laisse-le. Rentre pas dans des choses, dans des concessions en religion. Tu fais un débat ouvert, on discute avec lui, un repas. Non, il n'y a pas ça. Il vient vers toi, tu lui réponds. on est à la base, on est là pour appeler les gens selon les hudud du shara, pas selon nos atifiyya, nos awatif, nos sentiments et rien de zalika. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelle les gens à l'islam. Tamam. Mais il l'appelait comment? En leur montrant le fou sur lequel ils étaient. Et en se désavouant d'eux. Aujourd'hui, les gens, ils font tout. Il ne faut pas faire fuir les gens. Il faut être toujours avec les gens. Il faut avoir de la rahmah avec les gens. On fait naam. Mais jusqu'à quand? Devant toi, tu as Mu'anid qui insulte Allah, qui insulte son messager, qui insulte les muslimines. La rahmah, au bout d'un moment, elle est finie. Comme avec Allah Azzawajal, illa allazina zalamu minhum. Tu leur parles de la meilleure des façons, hormis ceux qui ont été injustes. Lui, après, c'est autre chose, un autre jugement que tu prends avec eux. Donc, après, il dit que toute chose nouvelle en religion est une bid'a, est une innovation. Ensuite, il parle là, il dit « وَكُلُّ مُتَّسِمْ بِغَيْ الْإِسْلَامْ وَالسُنَّةِ مُبْتَدِعُونَ كَالْرَافِضَ وَالْجَحْمِيَ وَالْخَوَالِجْ وَالْقَدَرِيَ وَالْمُرْجِئَ وَالْمُعْتَزِلَ وَالْكَرَّامِيَ وَالسَّالِمِيَ وَالْكَلَّامِيَ وَنَظَائِرِهِمْ فَهَذِهِ فِرَقْ ضَلَالْ وَتَوَائِفَ الْبِدَعْ عَاذَنَ اللَّهُ مِنْهَا. Donc il a dit, toute personne qui, parmi ceux qui s'apparentent à l'islam, mais qui ne sont pas sur l'islam, ne sur la sunna, sont des mubtadi'a, innovateurs, comme les rafida, d'accord, comme les jahmiya, atbar de Jahm ibn Safwan, ou les khawarij, qui étaient atbar de Zul Khwaisira, ou les Qadariya, ou les Murjiya, et ce qu'on a cité dans le matin. Et tout cela, on a déjà parlé dans At-Tadmuriya, qui fait qu'on a pas besoin de reciter ici. Juste ici, Mathalen, Salimiya, il dit que ce sont les Adbar de Ibn Salim, et eux, ils voient le Tajbih. Et le Karramiya, c'est les Adbar de Mohamed Mukarram, et Kazalik, il dit qu'ils ont approché vers le Tajbih. Maintenant, à quel degré, je ne sais pas, car moi, j'ai entendu plusieurs savants dire que. En islam, on ne connaît pas de mushabbiha comme les chrétiens, qui vont ressembler Allah à l'homme, mathalan. Maintenant, peut-être qu'ils ont une forme de tajbir. Dans quelle forme? Là, sur le moment, je ne le connais pas. Et parmi eux, certains sont de l'islam. Les rafidah sont les kuffars. D'accord? Et des fois, certains, ils yotlikoun rafidah à la shi'a. Et c'est pas tout shi'i qui est rafidi, mais tout rafidi est forcément shi'i. Quand tu as des shi'a, ils n'ont pas rendu mécréants les sahaba. Juste, ils ont du roulou dans mahabbat. Elle est le bait, les gens de la maison prophétique. D'accord? Et ils ont d'autres égarements, plein de bidars. Mais les rafidans, eux, ils ont kafar aksar sahaba. Ils les maudissent. Ils détestent Abu Bakr ou Omar, kazalik. Ils insultent Jibril, ils détestent Muawiya. Et les premiers, ils ont donné la vie de dignité à Ali, comme l'affaire de l'Abu Saba, le Yahoudi, Ray Zalika. Et parmi eux, tu as des roulas, exagérateurs grands. Le Soufia, Mathalan. Soufia, c'est le Mutadira. Parmi eux, tu as des koufars. Qui ont été trop loin. Ils disent qu'autre que Allah a un contrôle dans la création. Ils ne sont pas tous à la Mustawa Sawa. Mais les Rafidans, ça c'est une ta'ifa, il y a kafira. Ou les Ghurat al-Qadariya, ils disent qu'Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles n'arrivent, c'est les kuffars. Les Jahmiya, Ghurat al-Jahmiya, c'est les kuffars, kazalik. Et chez les Sha'ira, tu vas trouver des kuffars. Et chez les Mu'tazila, tu vas trouver des kuffars, kazalik. كلهم بحسب ثم قال المسألة 29 أما النسبة إلى إمام في فروع الدين كتوائف الأربع فليس بمذموم فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمود في اختلافهم مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. Il dit 29e point, le fait de s'apparenter à un imam dans les furu', les choses de la religion qui n'ont pas lieu. Les furu', c'est un fora. C'est tout ce qui n'est pas lieu à la aqida, dans les masail al-ni'amaliya, comme le fiqh. D'ailleurs, Cheikh al-Islam le dit à la base que ce taqsim en furu' et usul, la religion, c'est un taqsim qui est mubtada, muhdath. Entre le fait de dire la religion, elle a des branches, quand même, et des fondements. Après, c'est une chose qui est restée sur un autre wedge que ce qui l'ont instauré parmi les gens de la bid'a. Quand les gens disent furu', ils veulent dire les choses qui ne sont pas liées à la aqidah, en fait. Mais par exemple, la salat, c'est pas un fort, c'est un asl, c'est un pilier de l'islam, mathalan. Il y en a qui disent qu'arkam al-salam, il est furu'. On dit la salat, c'est un pilier de l'islam. Comment c'est un fort? C'est pas une branche. Mais une usul al-din. Même on voit, nous, celui qui la délaisse, c'est un kafir. Donc c'est pas une branche, une chose d'un idée secondaire. Donc là, il parle du quoi du madhhab. Lui, l'auteur, voit que le fait de s'attribuer, de s'apporter un imam dans les furu', il n'y a pas de mal. D'accord ? Est-ce qu'on l'a ? Il y a quoi le لِيَنَّ هَذَا مَا حَصَلَا إِلَى بَعْضِ زَمَنِ السَّلَفِ. Et ça, ça s'oppose à ce qu'il dit l'imam dans son livre, quand il cite l'ijma des salafs sur une chose, les salafs, les sahabas, tout ça, n'ont pas connu le madhhab. D'accord ? Même si on dit qu'un tel, كَنَا يَذْهَبْ إِلَى كَذَا, le mot madhhab en soi, c'est le ism mekien de zahaba, pour dire qu'il a pris tel avis. Alors madhhab, c'est-à-dire, c'est pas une école, comme ils appellent les gens, l'école juridique. C'est ce qu'ils avaient choisi et leur position sur une mas'ala. Déjà, dès qu'il voit le mot madhhab, c'est-à-dire madhhab khalas, ça veut dire c'est la madhhab. Madhhab, il faut comprendre à quel moment on l'appelle comme étant comme les madhhab arba'a ou autre que cela. Tu vois, tu vas dire Hadha madhhaba ilayhi Cheikh Fulani dans une mas'ala. C'est l'avis que Cheikh Fulani l'a pris. Enfin, madhhaba ilayhi yu'awwal bi madhhab. C'est son avis. C'est l'avis qu'il a choisi. Maintenant, ça veut dire que ce Cheikh il a madhhab. Non, sur cette mas'ala-là, il a tel avis. Ça ne veut pas dire qu'il a madhhab comme l'ont eu l'imam Malik ou l'imam Ahmed ou Ghayr-Zalika. Et on l'a expliqué que ce madhahib, ce ne sont pas eux qui les ont instaurés, qu'on dit aux gens, prenez notre avis. Même ils ont interdit cela à la base. D'accord ? Donc ça, on a beaucoup parlé dans les doulous de Ousulefi et Ghayr-Zalika, pour ne pas avoir à se tarder. Donc nous, on voit que le tamadhhub à la base, c'est une chose, les sept neddin. D'accord ? Les sept neddin, les salah, dalil, l'amin kitab ou l'amin sunnah. Belle, ça a apporté beaucoup de divisions. Donc, قول المؤلف هنا لا هذا في نظر لكن ليس حنبلي ليس حنبلي مثل الإمام tu vois mais dans ce cas là هذا ما نوافق عليه. Et après il parle du khilaf, il dit que le khilaf dans les furu', c'est une rahma, c'est une miséricorde, car ceux qui divergent parmi eux, il y a ceux qui sont loués et ceux dont leur divergence est récompensée tamam par leur ijtihad. Donc il dit que leur ikhtilaf, leur divergence, c'est une grande miséricorde. Et leur ijma, leur ittifaq, c'est une hujja, un argument. Là maintenant, ce qu'on dit mu'allif, le zahir du kalam, comme il a dit là, c'est itlaq, fi nazar kazalik. Dire que le khilaf, c'est une rahma. Là, un khilaf char, comme l'a dit Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud, un khilaf char, la divergence, c'est une chose qui est mauvaise. Allah subhanahu wa ta'ala, fi kitabihi, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Tous ces adilas qui disent qu'on est une seule communauté, qu'on doit s'accrocher tous au hab d'Allah. وَلَا تَفَرَّقُوا. Ne pas se diviser. Cependant, comment comprend son kalam, ou ceux des ulama qui ont dit des kalam qui ressemblent à celui-ci? En fait, il veut dire quoi par là? Que le khilaf dans celui qui est permis, c'est quoi la rahma? C'est qu'il n'y a pas de péché pour ce qu'il aura fait dans son ijtihad en fait. Il khilaf el musawwar, celui qui est permis dans tafahum, mathalen, c'est quoi la rahma? C'est que celui qui a eu un avis sur le mas'ala, qui a compris un délit d'une certaine façon et l'autre d'une autre façon, la rahma, c'est qu'ils n'ont pas de péché pour ce qu'ils ont fait, et si ils sont les gens de l'ijtihad, qu'ils ont fait un effort réel, qu'ils ont au minimum une récompense. La rahma, elle est là. Maintenant, dire qu'on diverge, c'est dans la rahma parce qu'on est en divergence, on dit non. Pourquoi? Car la preuve, l'ijma, c'est un argument dans la religion. L'ijma, l'unanimité des mouchtaïdines de cette umma, c'est un argument dans la religion. Donc comment la khilaf serait une rahma? Et la vérité n'est qu'une. D'accord? La vérité n'est qu'une. Maintenant, tu as des khilaf, tu as des aqsam. Et ça aussi, dans les autres doulous, on en a déjà parlé. Donc le khilaf, comme a dit Allah Azza wa Jal, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si on diverge quoi que ce soit, on doit le renvoyer à Allah et à son messager. C'est-à-dire qu'on ne doit pas diverger à la base. Maintenant, il y a des adillahs qui ont été compris de différentes façons. Hadaou. Tayyib, thumma il a fini en disant Nas'alallah an ya'simana min al-bida' wal-fitna wa yuhina ala l'islam wa sunna wa yaj'alana mimman yattabi'u rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil hayati wa yahshurana fi zumratihi ba'd al-mamat bi rahmatihi wa fadlihi amin. Donc il dit qu'on demande à Allah qu'il nous préserve des bida' et des fitan, qu'il nous fasse vivre sur l'islam et la sunna, et qu'il nous fasse de ceux qui ont suivi le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie, et qu'il nous rassemble après la mort avec lui par sa grande miséricorde et par sa grâce. Amin. Wa qala hadha akhir al-mu'taqad والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Donc là on a fini cette risala al-mubaraka. Même comme tout le monde, l'auteur n'est pas ma'soum. Le petit point qui méritait un tabih dessus. Mukhtasara, bien sûr, c'était résumé. Un mishi, c'est que les points importants restent dans la tête. Fada nubza min akidat el sunati wa jama'a. Il y a d'autres points encore à citer, mais ceux-là sont parmi les plus importants qu'il y ait. Wa ba'da hadha kama kulna inshallah sayakun. On va prendre inshallah le qawaid al-musla de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Mafhoum hadha? Tayyib. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك